92.2 MHz, 40 rue Alfred Duméril, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 92.2 FM. Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est Nuisance qui revient après de longues vacances et qui risque de repartir après cette émission. Enfin, c'est pas un risque, c'est sûr. Je dirais même c'est sûr. I'd like to say to all you English speakers, fuck you, motherfuckers, we're all gonna die. We're all gonna die, man. It's all fucked up already. We're all fucked up, yeah. Nuisance. Yeah, nuisances, motherfuckers. Yeah, baby, we're all gonna fuck each other in the asses, man. We're all gonna die. Goddamn motherfucking asshole, motherfucking wipes. You gotta suck big dick, motherfucker. Yeah, fucks. Fuck us. Nuisance. S'encule soi-même. Il est 10h15, 22h15 à Toulouse, France. Nuisance. You gotta fuck each other in the asses to know what I'm talking about. Yeah. Il faut s'enculer soi-même et les autres pour comprendre ce que je dis. Autosodomie. And when I say nuisances, I mean fuck you. Fuck you in the ass, yeah, that's what I'm talking about, yeah. And when I'm talking about fucking each other in the asses, I mean you. You are the big fucking shit-ass fuck faces. We all are shit. We're all dead already. We're all dead fucking already. C'est Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net, l'antenne que vous écoutez. Nuisance est une émission d'expression libre, artistique ou non. Nuisance. Qui s'encule. Nuisance. Nuisances, motherfuckers. Nuisances. Nuisances are here for you, man. And we're all gonna die. Où est-ce qu'on va? On se demande des fois. Luisance est une émission brutiste. Je répète, Luisance est une émission brutiste. Bienvenue à nos êtres infâmes et diffamatoires. Vous êtes les maugréants, des inémancipations. Non, ni diffamatoires. Les inémancipations, mec. Obscène, si tu veux, mais pas diffamatoire. Quoi ? Non, parce que l'autre il se prend pour Jésus et diffamateur, ça voudrait dire qu'on blasphème. Ouais. C'est pas vrai. Parce que je veux pas utiliser des mots de merde. Vulgaire, là. Non, mais des mots vulgaires parce que je pense à encule. Je t'encule. Ouais, enculé, ouais, et c'est voilà, bon. Voilà, mais ça. Sauf que c'est pas du tout. Quoi, sodomie? Non, mais justement, mais... ça fait le jeu. Le jeu impropre, c'est ça ce qui me fait rigoler, quoi. C'est le jeu. C'est pas grave de merde. Le jeu bidon. Le jeu bidon du producteur. Le jeu bidon du producteur. Fuck. C'est pas grave de la rhétorique de merde. Troubler l'ordre dans le chaos. Ouais. Là, je vais foutre la merde en vrai, tu vas voir. Je suis perdu en moi. L'alcool monte. Et je t'emmerde. Je fume avec toi, tatoué semblable, malgré que nous fûmes nous être. Et je bois pédé refoulé. Tu rougis. Ah c'est ça, je te vois, tu rougis. Fion. Ouais ouais, c'est facile. Fion. Ouais, je peux le dire plein de fois. Mais ouais. Vas-y. C'est trop fastoche. Moi je te dis des trucs, ça va plus loin. Fion. C'est bidon, fion, c'est bidon. Je m'encule. C'est trop facile. Genre, je rêve. Je suis une petite tarlouse et j'essaye de faire croire que voilà. Ouais. Fiante. Et on aimerait tous dire bonjour à nos auditeurs de Canal Sud ou de Nuisance, non, s'encule soi-même. Voilà, c'est ça, oui, voilà. Ouais. Et on est tous, Putain, heureusement qu'il n'y a personne qui nous écoute. Hein. Merde. Bah non, tu vois, tu te dis merde, voilà, c'est ça, t'as envie qu'on t'écoute, mais non, il n'y a personne qui t'écoute avec des musiques de merde, sons de merde et tout, il n'y a personne. La qui... musique, ça? Bah oui, c'est de la musique où t'arrives en 2013, hein. Mon pote, ça c'est de la musique. Mon cul. Je veux dire, la moitié des blaireaux, ils pensent que c'est de la musique. Hein. Et ça te fait peur, hein, mon pote. Qu'on dise que tu fais de la musique et tout, alors que tu prétends faire du bruit et tout. C'est ça, on va dénoncer Nuisance. Commençons à dénoncer Nuisance. Fion. La Nuisance, elle est chez les gens. Elle est quand tu rencontres le producteur, ouais, la Nuisance. Parce qu'après, la musique... C'est clair. Et la musique et l'émission de radio, c'est binon. C'est pas de la Nuisance. C'est de la c'est merde. C'est juste du classique. C'est de la merde, c'est du fion. Voilà, c'est même pas du fion, c'est classique. C'est de la merde. C'est classique, c'est de la culture. Ouais, de la merde, ouais. Non, c'est de la culture, faisait gaffe, le mec. Vous écoutez de la culture actuellement. Écoutez pas ça, surtout. Écoutez pas. La radio musée. Vous croyez écouter d'un truc expérimental ou n'importe quoi? Non, c'est de la recomposition de ce qui a déjà été fait, de la culture et du... Fion. Et voilà, mais du fion, mais c'est binon. Cul, anus, ça, merde. Ça c'est facile, c'est du juste. Anal merde. Voilà, c'est ça, ouais. On en est là. Du n'importe quoi, genre du truc, ça y est, j'ai utilisé un mot qui s'appelle fion et cul et machin, et je le répète qu'est-ce que j'ai à dire, machin, j'ai rien à dire en fait. Je dis fion, cul, mais en fait j'ai rien à dire. Du moins, j'ai rien à dire. Je prends jeu, il aime pas le tu, il utilise le on, et en même temps, c'est genre le problématique qu'il y a, quoi. Voilà, je règle mes comptes. Trou du fion dans mon cul. Là, je vous dis clairement que je règle mes comptes. La merde qui pue du cul du fion. Ouais, voilà, c'est même de la musique. C'est même presque tonal. C'est de la grande et belle musique, mec, tu voilà, l'as dit. C'est presque tonal. C'est exactement. De la culture, fion. Ouais, voilà, c'est presque fion, tonal. Anus. C'est chanté avec un Charles Aznavour. Voilà. T'es intéressé au cacabouddhisme? Ouais. C'est un pudding fait avec toutes les religions en fait. C'est un plug anal. C'est pour ceux qui n'entendent rien à ce qui est communément entendu en religion. Anal plug. Bah c'est cool, même ça s'entend quand j'enlève mes pompes. Donc je me mets. Vu qu'on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi, j'adresse. Non, moi je dis pas n'importe quoi, je dis ce que je pense, je dis vraiment ce qui me démange. Ouais. Vu qu'on fait n'importe quoi, moi j'ai dit qu'on fait n'importe quoi. Même si je me retiens. À Michel, on ferait n'importe quoi pour devenir n'importe qui. Donc dans ton fion, Michel, on ferait, s'il te plaît. Cool. Parce que l'hédonisme, ça passe aussi par là. Ouais, mais vous l'avez facile de casser les icônes. Je défends pas qui que ce soit, mais vous avez facile de défendre les icônes. Lui, il casse les icônes, pas lui-même, des Michel. Quoi, ça s'appelle des génies inconnus, mais ça me fait rire. Le génie inconnu, ouais. C'est parce que certains, ils se croient pour des génies inconnus que ça les gêne qu'il y ait des génies inconnus, mais c'est pas vrai. Et voilà. Spécial dédicace au producteur. Qui s'encule lui-même. Ouais, non, mais je te dis, moi je te le dis, vraiment, il n'y a pas de génie inconnu parce que tu devrais arrêter de croire que t'es un génie inconnu et qui est pas connu, quoi. Je te dis, c'est règlement de compte. Et là, je lis pas un texte. Hein. Je vous conseille de lire Manifeste de l'onanisme de Michel Onfray. Why not? Oui, vu de la souffrance, rien à foutre des gens qui croient qu'il faut arrêter la souffrance. Mais peut-être parce que c'est eux qui ont trop un problème avec la souffrance. Et je crois, chacun pour soi. La souffrance revendique des choses, en fait. Non, c'est pas ça. Moi, je parle de un truc très personnel avec des personnes. C'est une discussion que je continue. Fion. Non, mais voilà, c'est ça. Non, faire le héros et refuser la souffrance des autres... Vous allez se faire foutre ces gens-là, quoi. Je veux dire, moi, j'ai l'impression d'écouter un psychologue ou un éducateur. Tu vois. Pour 60 euros de l'heure. Pour 60 euros, tu rigoles, pour 13 euros de l'heure brute. Ça, c'est pour toi, mon pote. Même si toi, mon pote, là, t'as pas 13 euros de l'heure. Hein. C'est pas ça, je parle pas de ça. Je parle de comment ça s'appelle, de cette condition du cum, là, qui prétend... enlever la souffrance des autres. Au moins, ça fait des bonnes émissions de radio, hein, des embrouilles dans la vie quotidienne. Quoi, c'est un blanc ? Ça envoie les... Comment ça s'appelle ? Ça, c'est une ablation de la souffrance. La machine, elle va envoyer de la musique et tout à ta place, mon pote ? Ou t'as juste envoyé quand même un peu de signal pourri pour empêcher la machine de... Ça, c'est un bon plan, hein, je l'ai dit. Envoyer quand même un signal pourri, n'importe quoi, du vide, pour que la machine, elle n'envoie pas... Ouais, parce qu'il faut, savoir que... Est-ce que le hard discount, ça envoie de la souffrance ? On s'en fout, mais le hard discount... Ouais, ça envoie de la souffrance, forcément. Hein. Tu vois, quand tu vois le chariot des cums qui... Ah, je vais pas être méchant, parce que je suis pas méchant en fait, justement par rapport à ça. Mais quand tu vois le chariot des cum, des prolos, putain, qui sortent du hard discount, ils achètent que du sucre. Du nectar à base de concentré. De souffrance. Non, mais même pas du. Ouais, nectar concentré de souffrance, ouais, peut-être pourquoi pas, ouais, tout à fait. Non. Mais oui, sachez, auditeur, c'est-à-dire sans S, hein. Il y a peut-être un ou une auditeur de Canal Sud que, en fait, Canal Sud, ils ont acheté une machine pour que quand il y a des blancs, eh ben, ça envoie de la musique directe. Sachez-le. Pratique, hein. Ouais, non, faut se méfier du pratique non plus. Thank you. temps, elle est là depuis combien de temps cette bouteille? Je crois qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. Vaut mieux. Je crois qu'elle dort pas en fait, qu'il y a plein de faune dedans. Cette bouteille contenait du nectar multifruit partiellement à base de concentré avec édulcorant. Dont la teneur en fruits était de 50% minimum. C'était des jus à base de concentré et de purée. Pommes, raisins, bananes, mandarines, oranges, ananas, pêches, citrons, fruits de la passion, mangue, pamplemousse, abricot, goyave, poire. Ils ont mis de l'eau dedans et puis ils ont rajouté des vitamines et puis des provitamines aussi. Puis de l'acide citrique et puis de la sucralose et de l'acésulfame K. Sinon, je me pose toujours la question comment ils font les gens à Pôle emploi pour trouver du travail aux gens qui cherchent du travail. Fion. C'est des chercheurs ? Qu'est-ce qu'a dit la femme dans la jungle ? Client. Transaction OK. Je suis content aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de transactions OK. Et ça, pour un homo economicus, c'est très très important. Ça me rassure. Ça me donne une place à peu près dans la foire aux vanités. Brillant dehors, pourri dedans. Comme tout un tas de produits périmés. Il faut pas s'étonner que ça arrive. Parce qu'il y a des gens qui préconisent ce qu'il faut produire et donc ce qu'il faut être pour produire. Quand on suit ça, on a vite fait d'être périmé. C'est le cas de le dire. Après, voilà. Pour éviter ça, on peut se mettre au vert. Mais attention, surtout pas dans un parti politique. Parce que ça risquerait aussi d'être très périmé. Périmant. Après, voilà, si on arrive à survivre avec une esthétique, une rose dans une main, une pastille verte, un marteau, une faucille ou je ne sais quoi encore, ça peut durer longtemps. On a des conservateurs, voilà. On peut y croire longtemps, ça peut nous maintenir dans un état de fraîcheur cryogénisant. Et une fois qu'on décongèle, ça rend de la flotte. C'est pas de la super qualité. Un produit frais, c'est un produit frais. C'est pour ça que maintenant, moi, j'évite de rester trop longtemps dans une boîte. J'évite aussi d'aller dans des boîtes. Parce que si je vais trop souvent en boîte, j'aurai plus assez d'argent pour m'acheter la boîte où on va me mettre quand je serai mort. C'est quand même désolant de courir après l'argent et de rester sans arrêt dans des boîtes. Travaillez plus vous pour gagner plus moi. Comme on disait, j'avais oublié de me poser la question, c'est qui on ? Et je me suis retrouvé avec un tas de cons, moi y compris. Puisque le changement, c'est maintenant, mais ici, partout et toujours. Et là, tout de suite, ça demande un petit peu plus de réflexion. parce que c'est l'autre qui l'a dit. Je me suis dit, bon bah, il va réfléchir à ma place, mais le problème c'est ça. C'est que j'avais arrêté de réfléchir. Écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est nuisance. J'espère que ici on est vidéo protégé. Carrément. C'est bon ? Ouais, on est que audio pas protégé quoi, ici. Ah. Tout est enregistré. Oh merde. Et, c'est qu'à le dire. Là, c'est, ça craint. Hein. Est-ce que je peux avoir accès à ça pour... Non. Non ? C'est même pas détruit. Si, tous les 3 mois. Contrôle rétinien, le contrôle vocal, est-ce qu'on arrivera à identifier Dark Vador ou ceux qui ont eu un cancer du larynx ou ceux qui sont aveugles ou qui portent constamment des lunettes de soleil même quand il n'y a pas de soleil. Mourir. Et si on proposait de mourir plus tôt ? Est-ce que ça plairait à des gens ? Est-ce qu'on pourrait faire campagne avec ça ? Carrément, il y a moyen. Par contre, faut faire lucrativement ça bénéfice quoi. Sans doute. Non, mais les gens, ils veulent le bénéfice pour eux, ils le veulent pas. Ils n'arrivent pas à faire la balance, l'équilibre, moitié moi, moitié les autres. Donc du coup, on a souvent plus de facilité à leur vendre un truc où ça leur apporte dans l'immédiat à eux. Que les autres, ils s'en foutent, quoi. Ou si, il faut que ça soit un bénéfice pour ce qu'ils ont produit eux, à savoir leurs enfants. Leurs enfants. À eux. Voilà. Parce qu'ils ont envie de donner de l'amour. Mais pas forcément à des enfants qui existent déjà et qui ont besoin d'amour. Ils ont besoin de donner d'amour à des enfants qui n'en ont pas encore besoin parce qu'ils n'existent pas encore, à savoir leurs enfants, ceux qui vont produire, qui vont sortir de leur usine. Leur usine à eux. Leur usine à eux. C'est tout. C'est tout. Leur seule propriété, leur seul outil de production, c'est fabriquer leurs moutons. Leur sang. Est-ce que ça sera des moutons qui vont se faire gratter toute la laine sur le dos ou des moutons de compète qui vont briller dehors et mordre dedans ? Leur 100% con. Parce que éduqué et non leur consanguin 100% pur gain. Con. Pour vous ce soir... La merde. Pour tout le monde. Allez-y. C'est Happy Hour. Sad, sad. Triste, triste. Oh, triste, sad. Emprisonné. Marquisard. Une petite boîte. une toute petite boîte carrée. Alors, ils avaient décidé non pas de faire des génocides et de mettre à mort les gens, parce que ça craignait, hein, on n'arrivait plus trop à le faire. Donc ils ont préféré la sodomie, parce que ça c'est une mise à mort qu'on peut reconduire sans arrêt. La mort par chnouf-chnouf. C'est-à-dire que la sodomie par la dette, par exemple. L'encul par le tréfonds. Ça marche bien parce qu'en fin de compte, ça s'introduit en douceur, ça fait pas mal, mais par contre ça rentre très très très longtemps. Et ça y reste pour toujours. La merde. Dans le fond du trou du cul de on. Fion. On a vite fait de s'encrouter, hein. Quand on passe son temps à gagner sa croûte. Mourir. Quelle obsession. Et pourtant, que c'est con de bien vivre. Il suffit de le faire. Air. De l'air. Avoir l'air de le faire. Il suffit d'avoir l'air de le faire pour être bien payé. Payé raisonnablement. Peu. Bien quoi. Mal. Pas du tout. Décompensé. Comme les gens, ils ont besoin qu'on leur montre comment avoir l'air de le faire. Il faut se mettre en spectacle. Et là, ils nous regardent. Ils sont 1 million. Par contre, nous, ben, évidemment, on peut pas les regarder, les 1 million, quoi. Ni les écouter. Ni même les voir. Car ils sont seuls. Et comme ils ont tous peur de leur propre merde, qu'ils ne savent pas s'entendre comment la vivre ensemble, eh ben, on leur apprend comment la boire cul sec. Avec du gravier. C'est grave. Une fois que les gens étaient sortis de la survie, ils sont pas contentés de vivre. Il leur a fallu une survie augmentée. Et pour ça, il fallait diminuer celle des autres. Donc on a colonisé. Et puis, quand ça a été trop visible, il a fallu inventer d'autres choses. Mais ça a continué. En mieux. En mieux pour nous. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient régler leur compte. avec ceux qui ont créé la dette. Mais le problème, c'est qu'ils savent pas compter. Et c'était pas eux qui avaient fait les règles. Perte noire. De quoi ? Du pétrole ? Des règles. Je suis un mec bien par ailleurs, mais je dis ah ouais, t'es un gros con et tu vas aller prendre une date. Voilà, point. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire voilà, sur la situation. Non, mais reste. Hein. Ouais, si t'assumes pas, si t'assumes pas ce que le retour de manivelle de ce que tu peux faire dans ta vie, c'est ton problème. Et ne rejette pas la faute sur les autres. D'accord. Donc voilà, point. Moi aussi, je suis d'accord. Bon allez, je te laisse, et peut-être à bientôt. Nous avons eu l'appel d'un auditeur qui n'écoutait pas l'émission. Mais ceci dit, il n'a pas tort. Il a certainement raison. Puisque c'est son avis. On s'est bien sérieux ce soir, Nuisance. Et tant mieux. Ça va miner comme ça. Ça va la miner. Moi, je me prépare aux vacances. Hein. Faut que je sois sérieux, comme ça, après, ça aura vraiment l'air d'une fête. La longueur des vacances dépendra de l'incapacité de Pôle emploi à me trouver un travail, alors que moi j'arrive à en trouver en un jour. Et si c'est comme la dernière fois, bah c'était pas mal, hein, parce que j'ai pu faire beaucoup, beaucoup de choses. Une formation... Une formation qui coûtait 5000 euros, qui était très intéressante. Plein de choses. Et j'ai pensé, et je me suis pensé. Et puis j'étais sympa avec les gens, contrairement au boulot. Fion. Prout anal. L'anal, j'hésite. Pas. Confiture d'anus. Pas. Car mes parents et moi-même sommes des fions. Des merdes. Et je les aime pas. Des fions, on sait. Des filles, on sait. Comme Beyoncé, qui fionte aussi. Et elle pue du cul. Oui. Révélation, Beyoncé pue du cul. C'est un miracle. Nous sommes égaux avec les fanatiques. Beyoncé, car Beyoncé, car Beyoncé pue du cul. What a man, what a man, what a man, what a mighty good man. What a mighty, mighty good man. Tout à l'heure, on était avec quelqu'un qui avait l'air de faire quelque chose, de réparer un ordinateur. Il a bien donné l'air. Hein. Et il a même donné l'air de nous rejoindre. Ouais. Ah ouais, à ce point. Ah ouais. Tu peux répéter, s'il te plaît. Tu fais quoi, t'as fini? Non, continue. Vas-y, dis quelque chose. Quoi? Plus fort. Je comprends rien du tout ce que tu dis. Dis-moi d'aller me faire enculer, par exemple. Quoi? Plus fort, plus fort. Non, on est là. Oh là là là là. Et oui, l'indigence, la tristesse, le drame, la calamité. Comment on implantait une exploitation pétrolière et de gaz, et est-ce que tu sais dans combien de temps je pourrais voir ça au Mali? Quand est-ce qu'il faut que j'y aille pour le début des travaux? Bah tu l'as déjà, tu sais bien. C'est que ça a commencé là, merde. Ah mais depuis longtemps. Attends, il y en a 5 de chantier là, je crois. Ah bah ça va, alors t'as 5 fois ça quoi. T'as 5 fois ce que tu voulais, tu devrais être content. Ok, bon, il doit y en avoir qui n'ont pas commencé encore. Bah y a peut-être espoir. Enfin, cet automne, j'aimerais bien voir ça quoi. Ouais bah ce serait avec plaisir mec. Salut Bolloré, ça va? La forme? Je sais pas si ce sera lui mais bon. Non mais je sais pas, salut Nico, ça va? Bien, bien, la forme. Putain, y a pas longtemps d'ailleurs j'ai rencontré un type là dans un bar là. Super sympa. Bah le mec il était ingé et il travaillait en sous-traitance pour Total en fait. Hein. Et il était libanais d'origine. Et le mec me disait qu'il se sentait vachement mal parce que ça allait pas du tout avec son éthique. Moi, il a été content d'avoir pu finir ses études en France. Après, il a été au Canada. Il avait peur de pas trouver du boulot là-bas, donc il est retourné en France et ils lui ont refilé des sous pour la suite de ses études dans un domaine qui gagne énormément, faut le dire. Mais là, il est pas bien, quoi. Il me disait que ça ne l'allait pas du tout. Ah ouais, il sentait mal, quoi. Ah ouais. Ah, c'est mais chelou. Mais vraiment, sincèrement, tu vois... Il aurait préféré mourir, quoi. Non, mais... Non ? Ah, c'est triste. Ça lui causait beaucoup de soucis, quoi. Ah, mais c'est étonnant. Heureux les étonner. What a man, what a man, what a man, what a mighty good man, what a mighty, mighty good man. Vous écoutez Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens, dans tous les sens du terme. Le sens, l'essence, l'essence même, ça nuit. Et n'oubliez pas que quand il n'y aura plus de pétrole, peut-être ce sera la guerre du feu. Donc méfiez-vous des gens qui vous demandent du feu. C'est ça, gardez vos briquets sur vous, ne les sortez surtout pas de vos poches. Et attention aux allumeuses. Qui mettent bien du temps à se rendre compte. Car les allumeurs sont là aussi. X, X. Ouh, baby. Salut bébé, je t'aime. Oh, moi tellement aussi, je suis sous MD. Ah, on s'aime tellement toi et moi. La MDMA c'est vraiment trop cool. Ouais, toi aussi t'es trop cool, je peux te baiser. Ah non, me dis pas ça comme ça. Est-ce que tu veux bien me baiser? Ah ouais, je peux te faire caca dessus si tu veux. Avec plaisir. Oh, je t'aime tellement. Ah, c'était bon, hein. Ah ouais, c'était soulageant quoi. Carrément. Merci. Tout est beaucoup plus cool avec la MD. Ouais. Beaucoup plus sobre sans. Donc Nuisance est une émission d'introspection culturelle à but non lucratif, comme l'association dans laquelle elle se produit, Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Nuisance donc est une émission d'expression libre qui se nuit à elle-même en étant con, en étant même très con, comme le diraient certains. Très con, comme un con qui con, du verbe conner. Le verbe conner vient du mot con, qui signifie être con, comme un pied ou un manche à balai même. Même que ce que je dis, c'est vrai. La merde. Être con, c'est avec, en fait. Con. Ça colle au cul. Avec un autre con. Et quand on est beaucoup de cons, très cons, c'est un contre-pouvoir. Ou une contre-pétrie. À voir. Peut-être. Selon alors moi. Que, en fait, le pouvoir sont des gens qui sont très cons, mais qui sont avec personne d'autre qu'eux-mêmes. Et, comme Beyoncé, il ou elle pue du cul. C'est bon à savoir. C'est ça l'équité, l'égalité, je veux dire, la liberté d'accepter son état. De puer du cul, par exemple. Comme Beyoncé. Brillante dehors et mordante au-dedans. C'est ça. La foire aux vanités. Puante. À la vanité même. Comme tout le monde. La foire à la vanité du monde entier qui pue du cul parce que la majorité est silencieuse. Alors restons silencieux, restons majoritaires. Des moines et des nonnes. Peut-être le bon côté des choses. Le monacal, Al, on souhaite une bonne soirée. Comme il est si lent d'arriver aux cieux quand on est silencieux. Je peux dire du cul, ça te dérange pas? Silencieux, ah, pas du cul. Tout, ça me dérange pas. Merci, non. Merci, mec. J'attendais ce point. Ce moment avec tant de ferveur, je l'attendais aussi. J'ai très soif, il y a de l'eau à côté de moi, mais je pense que je dois me méfier de cette eau. Va te servir, moi. Ah oui, c'est vrai. Il y a une robinetterie pas loin. Très jolie, ouais. Même première à gauche, ce serait plus facile pour toi de te servir. Pardon ? Première à gauche, c'est plus facile de se servir. Ok. Et c'est en libre service ? Ouais, c'est à volonté, cette boisson-là. C'est libre ou mourir, libre ou mourir, toujours. Comme au KFC, quoi. KFC, faut payer, mais ouais, carrément, vas-y. Ouais, faut payer au début. Et après, c'est moi qui paye, après, c'est moi qui régale. À la volonté de celui qui a dit c'est à volonté. Parce qu'il y a une certaine mesure, ouais. Jusqu'à ta mesure à toi, parce qu'à mon avis, si je veux vraiment. C'est quoi déjà, ça veut dire Kentucky Fuck Children, non? Kenny fucked my cunt. Sans okay. Le M. Ah, ça me donne soif. Vas-y, ouais. T'as raison. T'as raison. J'encule le droit de réponse. J'ai eu une idée, ouais. Parce qu'il y a des gens qui nous proposent beaucoup de vidéosurveillance, enfin non, de vidéoprotection, et je me suis dit qu'en fait, si on voulait contrer le terrorisme, ben, il faudrait qu'il y ait des caméras à chaque mètre carré du globe. Et là, on serait bien. C'est-à-dire qu'on arriverait même à voir si quelqu'un il a une pensée qui potentiellement pourrait devenir terroriste, quoi. C'est ça, partout des caméras, la glèbe est surveillée. Franchement, voilà, si on concentre tous nos efforts de production à la vidéoprotection, on arrivera à un monde meilleur. Si on concentre carrément nos protections entre nous, quoi, voilà. On pourrait arriver à un monde protégé voilà. De nous-mêmes, ce serait bien. Ouais, parce qu'on mais on n'y est pas encore. Hein. Voilà, parce que en fait, on est un peu. On a du mal à être sage, hein, et donc il faudrait un méta panoptique où on intériorise tous la surveillance. de nos micro-organismes comme si la Terre était une immense architecture carcérale calcifiée. Et qu'on s'auto-censurerait. Calcinément. Et après, il faudrait aussi une caméra de caméras de surveillance qui surveillent les surveillants aussi. Dans les fions. Ouais. Voilà. Parce que c'est là où ils mettent tout, ils cachent tout pour passer les frontières. Ouais, tu sais. C'est vrai, ouais. Voilà, dans les vagins et dans les fions. Mmh, mmh. Donc il faut surveiller leurs vagins et leurs fions. Ouais. C'est super important de ne pas être pris au dépourvu. Car le terrorisme est partout, même en nous. Même dans nos culs. Dans nos trous du cul. Mais ce serait bien d'ailleurs d'avoir une vidéo protection pour les hommes politiques par exemple. Ah non, dis pas politique, c'est pardon, interdit. Pardon, femmes politiques aussi. Hein. Ouais, les gens politiques quoi, mais non. En tout cas, voilà, pour qu'ils soient protégés, pour pas qu'ils... Non, mais ils sont protégés, vaut mieux pas dire politique, vaut mieux parler des gens qui sont pas politiques, c'est genre, je sais pas, parle de moi, non, de moi, ou de toi si tu veux. C'est-à-dire, je suis une merde, je suis corrompu par un système qui est corrompu à la base, car tout le monde est con et stupide, comme moi, car je suis un idiot, fini, ou infiniment idiot, comme nous le sommes peut-être tous, non ça m'étonnerait pas tous, il y a des gens intelligents et sages, comme tu disais, en ce monde, malheureusement, ils sont morts, c'est con, mais on pourrait peut-être y arriver quand même, ouais, je dirais à mourir, aussi. C'est des terroristes qui les ont assassinés. C'est ça. C'est la faute à Marx, un sale terroriste. À Thomas Sankara aussi. Ouais, et à, je sais pas moi, France Fanon. Tout ça quoi, tous ces gens-là, il faut les laisser mourir quoi, vite. De vidéoprotection sur chaque mètre carré du globe. Ah oui, ça nous est... Et même dans le fion, en fait. Ça nous permettrait d'anticiper le dérèglement climatique et de s'adapter en fonction des migrations. Est-ce que ça chauffe une caméra de vidéoprotection ? Ça chauffe l'esprit, ça chauffe la contradiction idéologique de tout un chacun, et ça chauffe surtout l'esprit, ça se trouve... analyse sur la population, c'est une sociologie assez pointue et dans l'émission qui s'appelle Fion, qui s'encule soi-même, surtout le producteur, qui aime bien la sodomie, mais rarement encore, et qui aime bien s'enculer soi-même avec une bouteille en plastique non recyclable. La merde est une fionte, comme un fionte est une merde. Ne confiez pas vos fiontes à n'importe qui. N'entrez pas dans la pièce où il y a marqué WC, la World Company, qui s'occupe de vos merdes. Parce que votre merde, votre fiente, c'est comme du guano. C'est quelque chose qui doit retourner à la terre. Ça doit être fertile. Mais la noyer, c'est pas une solution. Se voiler la face, la New Company... Qui chie dans l'eau, crache dans la soupe. Parce que vous avez tous des faces de merde, des jacques faciales. Des faces pleines de foutre. Partout sur le visage, ça dégouline. Ça laisse des traces. Et même le lendemain, quand on est tout propre et qu'on va au travail, dans son beau costume, on sent encore la merde. Pourtant, personne ne la sent. Mais toi, tu la sens au plus profond de toi, cette merde. Qui pousse. Jusqu'au moment... fatidique... où tu te découvres. Et là, tu comprends que tout le monde... tous, même ta mère, est une merde. Ta propre merde. Ta propre merde est une mère de merde. Ton propre fion est une fiente d'anus. Et d'ailleurs, j'avais vraiment apprécié la vidéo que notre ami avait tournée là. Tu sais, dans les toilettes improvisées, là, dans le trou là. Ah, c'était génial. Parce qu'en fait, ça faisait un long travelling avant. Et tu voyais qu'en fait, la merde était vivante. Parce qu'il y avait des milliers d'asticots dedans. T'en as pas ? Non, c'était... non, j'en ai pas. Moi, j'en ai plein. Venez, venez, j'en ai plein, plein. Oh, partout. Là, le grand homme, il en a plein. Partout. De la merde. Partout du fion, partout de la fiente, d'anus. Pue la merde, comme Beyoncé le pue du cul. Vive Beyoncé, car son cul qui pue, c'est de la merde. Interrogez-vous sur les différentes formes de stations d'épuration. Il y a des stations d'épuration de spectacle, des stations d'épuration politique, des stations d'épuration de fion, idéologique, des stations d'épuration tout court. C'est ça. Mourir. N'ayons pas les idées courtes. C'est vrai. Celui qui détient la station d'épuration a le pouvoir. Celui qui tire la chasse n'est qu'un vulgaire consommateur, pollueur. Émancipatoire. Et n'avalez pas cul sec pour passer à autre chose. Il nous libère, ce capitaliste. Fabriquez-vous des toilettes sèches. Le fric nous libère. Avec des copeaux de bois non traités. Si, c'est vrai. Je peux acheter ma liberté avec du fric. Car je suis comme ça, moi. Le bourgeois. Je suis libre. Libre d'être con. Et de ultra libre. Ultra libre même, d'être ultra con. Comme le fion de Beyoncé. Ultra libéral. Qui est américaine et qui ne comprend pas le français, donc je l'encule, quoi. Pour une fois. Je peux enculer quelqu'un autre que moi. Dis-lui des mots d'amour. L'amour, l'amour. Le vrai. C'est ça qu'on veut. Le vrai amour. Maintenant, tu peux être fatigué. Ouais. Eh, ça doit être bizarre d'être passé de marginal à prolétaire. Dégueulasse. Non, mais franchement, ça me fait bizarre, quoi. Je me demande... Vous êtes sur le canal sud ? Toi qui travailles dans une boîte où il y a des Roumains qui travaillent pour moins que toi, juste parce qu'ils sont Roumains. C'est-y pas beau. Vive la France. C'est-y pas beau de voir ça. Zig, eh, j'ai encore vu des plombiers qui vont faire la VMC sur mon chantier, c'est des Polonais. Et ils sont durs à la tâche, hein, mais alors franchement, c'est vraiment tâche de fonctionner de comme ça, quoi. Et même pas de patriotisme économique, quoi. C'est-à-dire, il n'y a rien qui tient. Le capitalisme, c'est ça. C'est. Oh bah, je prends là d'où ça vient. C'est l'Europe. Je sodomise là où ça ouvre. Aider les pauvres Roumains qui n'ont pas assez d'argent. La merde qui encule. Attends, quand même, hein, sur leur site, ils disent la merde qui encule. Ils vivent dans des gîtes et qu'ils ont même des profs de français, hein, pour apprendre le français. Merde. Sur le site c'est de la boîte. Nous. Ah ouais. Ouais, ouais, mais en fait, ah, ça, c'est pas mal de redorer le blason. En tente militaire dans des champs. Ah, c'est un gîte genre pittoresque. Ouais, c'est ça. Et ils peuvent pas parler français parce que le seul chef, c'est des anciens de la Légion. C'est un berger allemand, le chef. Un ancien légionnaire, hein. Ah, et chez les légionnaires, il y a la fameuse fesse droite. Faculté naturelle à commander. Ouais. Alors, je suis né comme ça, pour commander. Oh, sur Rome. C'est magnifique. C'est magnifique. Comme si t'étais un mage. Je pense que Old Dirty Bastard, c'était un mec qui assumait la merde. Avant de mourir. Ouais. Dedans. Mais je te dis, je suis à la radio. Oui, nous sommes à la radio. Vous êtes en train d'écouter cette radio, peut-être. Peut-être pas. Quoique si, sûrement, si vous m'entendez, c'est que vous écoutez la radio. Vous avez donc rien d'autre à foutre. Je voudrais donner une dédicace à Nathanaël, mon conducteur de travaux, qui a peint que marcherait sur les fesses s'il y avait les bites par terre. Il doit être sympa, toute son erreur. Et maintenant il cherche, il voudrait discuter avec moi parce qu'il a collaboré, dénoncé, participé à un tribunal fantoche pour me mettre dehors et puis après maintenant il a la culpabilité, alors il cherche à me parler, moi je lui dis que c'est lui avec lui-même et c'est sa conscience et qu'il aille se faire encouler. Oui, l'encul, c'est vrai. C'est vrai, l'encul. Nathanaël, Nathanaël, et viva, viva Nathanaël. Viva la muerte, si, si. En el culo. En el culo, la muerte, en el culo, si, si. Chupame la binga. Je comprends pas, mais si, ouais, si, tu fais quoi? La muerte en el culo, la mierda totale, la miseria negra. Chez qui t'as dit? La miseria totale, ouais. Para todo el mundo, si, si. Viva la revolución en el fion. Viva la revolución del fion, si, si. En el fion de Beyoncé. Si, ouais. El fion de Beyoncé qui pue. Le fion de Beyoncé qui pue. Beyoncé, on l'encule. Non, c'est pas vrai, c'est moi que j'encule. Et Rihanna. Non, c'est une française. Non, faut pas dire ça, on va se faire attaquer en justice. Et non, Rihanna, faut dire. Rihanna. Non, non, esta. Faut c'est... dire, les communistes, on les encule. Fidel Castro, quel bâtard. Ou Oussama Ben Laden, ah, il est bien fait qu'il soit mort, ce fils de pute. Mohamed Nara, c'est qu'un fils d'enculé de merde. Et il vaut mieux qu'il meure, ce enculé de merde de. Mohamed Nara, c'est une merde, Mera. C'est un terroriste. Terroriste. Antisémite. Donc anti-arabe, au final. Puisque les sémites regroupent les deux, donc c'est assez rigolo. Quoi? Qui parle? Ouais, vas-y, chante une chanson, mec. Chante une chanson. Salut. Salut. Chanter une chanson. Ouais, chante une chanson, ouais. Les nébiophiles, ce sont des attends, gens... Attends, ne couvre pas son timbre. Reprends, s'il te plaît. Tu as l'exclusivité. Les nébiophiles sont des gens respectables. Ce ne sont pas... Des pédophiles. Mais maintenant, moi, je voulais plus parler de ma merde. Parce que j'ai fait un très caca, très bizarre en forme de crevette. Ta gueule. Ferme ta grande gueule. Ferme pas ta grande gueule, il nous entend pas. Dis pas ça, parle de ta merde. Non, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, mais... C'est une crevette, c'est ça? C'est cool. Parle-nous du fion. Ça fait bien. Ouais, c'est un peu Parle-nous du fion des nourrissons. Alors, le fion, c'est irrité. Vraiment, ça pique. Hein. J'ai un peu mal. Ah, là, ça me fait mal. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Qui t'a fait ça, mon enfant? Hein? Allez, raconte-moi. Mais ça se fait qu'en fait, il y a des trucs qui me sont rentrés dans le cul, je sais plus qui exactement, mais ils étaient armés de choses assez létales. Ah, mais est-ce que tu avais pris du GHB? C'est très létal. Est-ce qu'on t'avait offert des drogues? Ah, tu peux me le dire, moi. Est-ce qu'on t'avait offert des quoi? Est-ce qu'on t'avait proposé des drogues? Tu peux voir ça. Non, pas du tout. Non, je ne prends absolument pas de drogue. Et tu te souviens plus de... Non, c'est vrai qu'un peu de GHB, ça me fait du bien. C'est peut-être pour ça que tu ne te souviens pas. Pardon ? C'est peut-être à cause du GHB que tu ne te souviens pas. Mais si j'avais pris du GHB, ça aurait été bien. Hein. Mais mon fion, en fait, il est tout irrité. Il y a un peu des pustules qui restent dessus. Et je sais pas trop d'où ça vient. Apparemment, c'est une bactérie qui viendrait d'un pays lointain, peut-être scandinave ou africain. Mais oui, mais il faudrait peut-être que tu ailles voir un docteur parce que la mondialisation sexuelle peut causer effectivement. Des infections assez graves. Ouais, peut-être, mais mon fion, il est fatigué, là. Et en fait, du coup, j'aimerais savoir s'il y a une solution, un remède, quelque chose, une exposition possible à faire avec ça, parce que là, c'est dans mes toilettes, ça n'arrive pas à partir, parce que mes toilettes sont bouchées. Et je sais pas si peut-être c'est possible de vous l'envoyer par la poste. Une solution, si bien tu es... Expos, et peut-être ça peut être bien. Hein. Si tu es dans tes toilettes. Comme ça, de la merde sur une toile ou sur un torchon, si une serpillère. Si tu veux mon avis, profites-en, tu es aux toilettes, tu prends la ventouse. Et tu te fais un lavage avec la ventouse. Et tu vas voir, déjà, t'arriveras à dormir. Demain, t'iras voir le docteur. Tu veux pas appeler le 05 61 53 36 95? Ouais, c'est très bien. Ouais, vas-y, appelle, comme ça sera encore plus propre comme son et on pourra entendre ta crotte tomber. Il a retenu le numéro? Je répète, le 05 61 53 36 95. Oui. Hein? On voit un texto pour mettre dans le bois après. Ouais. Copain! Copain! T'attends, copain! Il y a beaucoup de fions qui sont en manque quand même. Hein. Waouh! Il est trop à l'aise, il a compris le numéro du premier coup. Non? Quoi? C'est quoi? Ça sonne d'où? C'est là-bas. Ah ouais, mais... Et alors, du coup, il m'a dit qu'il appelait, qu'il avait essayé d'appeler pas mal de fois. Hein, non, c'est pas celui-là de numéro. Tu nous entends, Davy? Mec? Davy, c'est pas le bon numéro. C'est pas le bon numéro. T'es allé sur Internet, salaud. Il fallait nous écouter. Ouais. Vas-y, répète. 05 61 53 36 95. Je répète, le numéro pour nous appeler, mec, ou meuf, je sais pas qui... 05 61 53 36 95 et non celui du bureau quoi. Ouais, celui bouffon. De l'antenne. Bouffon. Et c'est très très joli la musique qu'on a. Ah, il a trouvé. Il a compris là? Ouais, cool. On va pouvoir suivre. T'es là? Allô? Ouais. Oui, je suis là. Ah super. Ah, c'est toi. Ah, t'as réussi quoi. C'est bien. T'as réussi à transformer, c'est cool, c'est rapide, hein. Belle opération. T'as changé de voix, comment ça se fait? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis tout à l'heure? Je sais. J'ai mué. T'as mué? Ah, c'est cool. Et ta crotte, alors, elle en est où? Tu peux nous faire écouter, s'il te plaît? Alors, pour l'instant, non. Non, pas encore, mais d'accord. Alors, si tu veux nous en parler, si c'est possible, petite personne. Bois du café. Je suis népiophile, c'est pour ça que je disais petite personne. Ne te vexe pas, reviens. Je suis là. Ah, parfait. Parle-nous de ta crotte, s'il te plaît. À quel âge t'as commencé à muer? Je suis une petite crotte. Et à quel âge t'as commencé à muer? C'est génial. Ça se compte en heures? En secondes. Ouf. Ouf, ça m'excite. C'est super. Ça donne c'est envie. C'est liquide. Hein. Et c'est suave? C'est... C'est à l'odeur du fromage. Ouais. Pardon? L'odeur du fromage. Mmh. Mmh. Parle-moi du fromage. Le fromage de bite. Le fromage de bite. S'il te plaît. Est-ce que ça sent bon, mon fromage de bite? Est-ce qu'il sent bon? Très, très bon. Ah, merci. Est-ce que tu veux bien me lécher le fromage de bite, s'il te plaît? C'est du gouda. Non, le fromage. Goudal. C'est du Munster de monastère. Le fromage de bite, il faut tasser le sperme dans l'anus. Et puis, avec la fermentation naturelle. Du chaussée au moine. C'est excellent, c'est le meilleur. C'est du camembert. Tu sors un beau laidron de fromage de bite. Et sinon, le mieux, c'est aussi du Fion l'évêque. C'est pas mal, ça aussi. Ouais, ou se frotter un peu avec les doigts. Et ça permet de faire des petites boulettes. Et après, tu boulettes de fromage, de bite. Les doigts dans la prise. Ah oui, avec le nez dedans. Ça améliore la qualité du fromage. Tu peux parler de tout un fromage de bite. Tu peux parler en fait, des crottes. C'est vrai qu'on en fait tout un fromage, mais c'est pas rien du tout parce que nos régions ont du talent quand même, faut le dire. Quand même, le fromage et de France. Est-ce que mais t'as mué, mec. Est-ce que ton fromage de bite, il est gros ou large? Long ou petit? Ça dépend. Petit et tout minuscule, mini, quoi. Mini, c'est un mini fromage de bite, tout petit. Ah ouais, tout petit. La merde, en fait. Non, c'est un pieux fromage de bite, quoi. Je suis pieux, en fait. Ouais, il est pieux. Non, moi, je veux pas du pieux. Moi, je veux un gourdin, une matraque. Mais tu veux un gros pieux, alors c'est ça que tu veux dire? Eh bien, alors là, faut aller voir Frère Truc. Contrairement. Très bon chaussée aux moines. Contrairement là, à la sexualité. Là, t'as vraiment la quantité, tu vois. Ah, tu veux dire un fils par le pied de moine? C'est pas ça en fait, c'est le nom qu'il a donné parce qu'en fait il s'est donné une mycose par le pied sur la bite pour Fion. Avoir du fromage de bite. Et donc Frère Tuck, donc il fait ce merveilleux Fion. Fromage de bite. Il fait donc c'est un fromage à pâte molle, mais là t'as du gros fromage là. Là t'as vraiment la quantité quoi. Fion. Ok, d'accord. C'est cool. Moi la quantité, moi j'aime pas trop la pâte, c'est pour ça que je préfère le fromage circoncis. Comme ça, ça attaque direct. Ah là, cool. Ça, les fromages à pâte dure, c'est beaucoup plus rare. Hein. C'est dégueulasse. Mais là, que faut tu plus dis. Demander ça à des gens, voilà, ils en des font qualifiés, très, quoi. Du très bon au Maghreb. C'est ça. Ben, où en ils fait, en France, j'ai déjà rencontré un juif sans jambes qui, en fait, qui marchait dans le désert avec ses mains et du coup, sa bite circoncis est frottée sur le sable chaud toute la journée et en fait, son gland était couvert d'une épaisse couche de cornes. Corne de rhinocéros, ça s'appelle le fromage à pâte dure. D'accord. Mmh. Ah ouais, c'est cool. En tout cas, c'est typique. C'est le meilleur. Ah. Et si jamais t'as faim, t'as une petite faim, un petit creux, mais tu prends une râpe à fromage et tu râpes un peu le bout de la bite. Ouais. Et il y a des petits copeaux qui se déposent sur ton sandwich et c'est délicieux. C'est incroyable tout ça. Ça, c'est plutôt de la chapelure de bite alors. C'est comme du parmesan. On appelle ça parmesan. Et est-ce que ces gens-là ont une appellation d'origine contrôlée? Parce que franchement, c'est des produits qui sont quand même de qualité. Ce serait bien de protéger ça. Je sais pas, je lui ai pas demandé, mais je crois que c'était juste un mec perdu dans le désert et c'est une marque à déposer. Et à protéger. On va pas attendre que Max Alvar le fasse quand même. Non, on va, faut, on va faire du commerce équitable suite, avec ces gens-là. Il faut absolument se rendre là-bas. C'est où ça se trouve, ça, ce fromage de bite? Tu peux nous dire exactement l'adresse? Quel désert? Alors, en Éthiopie. En Éthiopie, oui. Adresse, s'il te plaît. En Éthiopie, il y a des déserts. Alors, c'est à côté de. Tu sais, le trou là. Ouais, vers là-bas, quoi. C'est pas un trou, c'est une corne. C'est la corne de l'Afrique, on appelle. Non, non, c'est un rift. Il y a un rift en Éthiopie à côté. Ah ouais? Ils s'entraînent dedans, en fait. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils font là-bas pour s'entraîner? Ils tournent en rond, c'est très petit l'Éthiopie, non? Ah, ils se râpent la bite en fait, ce que tu disais quoi. Et pour produire la corne de bite, donc pour pouvoir faire du fromage à pâte dure. Exactement. Ah, c'est incroyable. Ça prend du temps, et c'est de là dont vient l'expression « je crois se traîner la bite » quoi. Exactement, voilà. D'accord. C'est un vieil Éthiopien qui m'a raconté cette histoire-là. Un vieil adage. Un juif éthiopien que j'ai rencontré dans le désert donc. Cool. Et qui me racontait ça. Et toi, ta bite, elle est cornue? Excellent. Ça ressemble un petit peu à de la tome, un peu mélangé tome parmesan et chèvre. Chèvre, pas frais quoi, tout ça. Un mélange des trois. Ouais, parce que tome fraîche, ça n'a pas trop de goût, je trouve. C'est un peu fade la tome fraîche quoi. Je préfère la tome vieille quoi. Avec un petit goût de chèvre, tu vois, qui est quand même assez. Ah, l'odeur du chèvre, oui, la texture de la tome. Le chèvre est foutrement bon. Et le camembert aussi. On oublie souvent le camembert éthiopien, juif. Non, mais ça, c'est juste une question d'hygiène. D'accord, pardon. D'Agiane. Non, c'est... je pensais que tu parlais de ma sœur en fait, elle bon, s'appelle Agiane. En tout cas, tu parlais pas de ça en fait. Faudrait que tu nous donnes tes soeur, coordonnées. Tu peux en parler à la radio quand même. Non, tu as pas enculé ma sœur quand même, tu as pas enculé ma sœur à la radio quand même. Ou ma mère ou mon père, c'est des fions, tu vas pas dire ça quand même. J'ai déjà fait. Non, dis pas ça, tu peux pas faire ça, c'est dégueulasse quoi. C'est dégueulasse de niquer mes parents dans le cul et de leur dire que c'est des enculés et des fions. Je veux pas les niquer, je veux juste leur faire. Souffrir. Les faire souffrir. Des saveurs d'ailleurs, tu vois, des saveurs du monde. C'est ça, te venger en fait. C'est gastronomique. C'est ça, tu vides ton sac quoi. Ouais, en tout cas, carrément, t'as raison mec. On t'encourage vivement à faire quelque chose avec ces gens-là. Hein, Et à visiter Auschwitz. Visiter Auschwitz. Oui, c'est un très beau club de vacances. C'est ça, c'est le club merde. Le club merde, c'est à Auschwitz, exactement. Quoi. Et on peut me bouffer du plâtre aux Iclombés, si on veut. Ouais. Ah, toujours plaisant quoi. Ouais, mais maintenant, le truc, c'est qu'on connaît la recette, donc ça n'a plus grand intérêt. Il n'y a plus personne là-bas, ils ont épuré Auschwitz, en fait. Donc c'est un peu con d'y aller, il n'y a plus personne. C'est mort. C'est mort, Auschwitz, c'était dans le temps. Hein. Franchement, c'était vieux, ça, c'était il y a longtemps. En fait, je m'en souviens même pas, quoi. D'accord. Non, puisque au final, on s'est rendu compte que c'était du bégon qu'ils utilisent, donc pour les guêpes. Souvent, les gens l'oublient, mais ils en utilisent contre les frelons, les guêpes. Voilà, et donc c'est les sales boches qui ont tué les sales feuges à cause des sales grenouilles que nous sommes, qui, eux, ont été couards et ont résisté malheureusement à l'invasion américaine sans vraiment réussir. Car le chewing-gum, par exemple. Pour finir par boire du chewing-gum. Au moins, maintenant, on a du chewing-gum, quoi. Ouais, et on a aussi du pétrole et du fromage de bite, comme on disait. Et du chewing-gum à base de pétrole. Ouais. Et voilà. Et à deux fromages de bite, du chewing-gum à base de pétrole et de fromage de bite. Il faut quand même rappeler que si jamais les Américains nous avaient pas aidé à défaire Hitler, on n'aurait jamais pu avoir du fromage de bite aujourd'hui. C'est ça, on et aurait à savoir, eu à savoir aussi, Kugelhof. À savoir aussi que Kartoffen le fromage de bite américain est aseptisé. Lui, vous connaissez les habitudes alimentaires des Américains, et c'est le Babybel. C'est le fromage népiophile. Du Stollen. Fromage de bite de nourrisson. Oui, c'est vrai. Et du Baba Yaga. C'est pour ça qu'on a la cire, pour rappeler un peu le nez du clown. Bon, voilà, parce que les premiers à avoir fait du fromage de bite de nourrisson, c'était les clowns qui se sont approchés des enfants. Voilà, là, pour la petite également histoire. Berlin. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils portent un trophée sur le nez. Berlin. Et Volkswagen, das Auto. Tout ça grâce aux Allemands. On devrait les remercier. On les remercie pas assez souvent, je trouve. Merci l'Allemagne de nous avoir libérés de Hitler. Ouais, c'est ça, les Allemands nous ont libérés d'Hitler, tout à fait, car ils ont voté pour le chancelier Kugelhof. Et sinon, où en est ta crotte? Moi, j'ai touché la bille. Ma crotte? Oui. Elle est en train de se dissoudre dans l'eau, ça fait une patte. Ah d'accord, donc elle est vraiment, elle est sortie du tunnel. D'accord, elle a passé la frontière. Ça dégoupille. Ouais, voilà. Mais il y a ses copines qui lui manquent, qui vont pas tarder à la rejoindre. D'accord, mais est-ce qu'elles ont leur visa? Leur visa, ça je sais pas. Non, en fait, c'est des clandestins. C'est des clandestins en ce moment, il y a des. Je sais pas, ça passe, ça repasse, ça s'en va, ça revient et. Il n'y a plus personne qui dit quoi que ce soit. Il y a toutes les crottes qui vont où elles veulent, dans l'évier, dans l'hôpital, dans les toilettes. Je sais pas. Moi, je pense que c'est pas très très grave en fait. Dans les trous, tant qu'elles sont voilà, mais tant qu'elles sont intégrées, elles arriveront à faire leur vie avec les autres crottes. Et... Ouais, mais j'ai connu une crotte dans un bocal à poisson qui était quand même intégrée mais qui avait du mal. Ouais. Dans sa vie. À vraiment le vivre, tu vois, parce que ses congénères, les poissons rouges, ils les regardaient d'un mauvais œil, il y avait un problème, il y avait quelque chose, ça passait pas, quoi. Genre, ils sont restés sur leur final, genre, tout à l'heure, je vous ai entendu parler de la World Company, qui s'occupe de nos merdes, en fait. Et ouais, et à chaque fois, ils parlent d'immigration, et voilà, ouais. À la Terre. Mais bon, moi, j'ai connu des camps de concentration de merde, dans des trous comme ça, désolé, au milieu d'un champ, d'un terrain vague. Ah, mais c'est toi qui nous a posté cette vidéo. Oui, je me rappelle, ouais. Et alors, celle-ci, vraiment, je l'ai trouvée touchante, parce que là, on voyait effectivement que quand on laisse... On laisse les gens mettre leur merde en commun, en fait. On se rend compte que ça c'est fertile. Ça, c'est fertile. J'ai vu la vie qui grouillait. Ça peut être important, mais il faut faire bien attention dans quel milieu social on laisse notre merde. C'est-à-dire, dans un bidet, en fait, il faut pas, parce que c'est souvent mal accueilli. Ouais, très. Bon, dans un bocal à poisson, ça passe pour moyen. Généralement, la mer se fait titiller par les poissons rouges. Il y a un mauvais contact qui se passe. Trouver une identité après au niveau de la merde. C'est plus c'est une merde ou un poisson rouge. Pareil pour le poisson rouge. C'est des fois compliqué. C'est pour ça que c'est très important quand même. Du coup, de mettre toutes les merdes ensemble dans un trou, ça permet de recréer la vie. Et c'est magnifique et c'est beau. Et il y a plein de trucs qui... Ça fait des bulles. Et ça fait de la vie avec comme des vers, asticots. Donc genre, en fait, toutes les merdes dialoguent en fait. Et voilà, du coup, elles contribuent, elles s'organisent pour s'intégrer. Exactement, oui. Et finalement, elles fiontent. Elles fiontent, n'est-ce pas? Elles fiontent. Elles fiontent. Elles enfiantent. Non, elles fiontent. Elles s'entrefiantent, oui. Non, fiontent. Mais parle-nous un peu plus de ce bouillon de culture. Si je ne m'abuse, si je m'abuse en latin, c'est fion qu'on est dit bien pour parler du fion, quoi. Elle s'entrefionte. Fionte, c'est ça, elle s'entrefionte. D'accord. Merci, merci monsieur. Okay. Monsieur, donc monsieur Fion, producteur de fromage de bite d'Éthiopie juif, qui a visité les camps d'Auschwitz, qui a goûté le zyklon B dans le plâtre, hein, séché donc d'Auschwitz, nous réclame aujourd'hui de la ferveur inadvertante. D'une passagère inépancipation par l'AOP, donc l'appellation d'origine protégée du fromage, de bite composée de fromage de chèvre, de camembert, je crois, de goudal, de tomme fraîche, un peu pas frais, et de moisi caduc. Oui, voilà, avec un peu goût de chèvre, oui. Ah, c'est super. C'est super. Voilà. Ah, on voudrait vraiment... Mais je vais vous envoyer une boîte. Ah mais c'est cool, voilà. Merci monsieur Fion. Mais monsieur c'est Fion rien. Avec plaisir, c'était bite. Je vous baise les pieds, monsieur Fion. Voilà, et je vous embrasse partout. Et je vous lèche, le fromage de bite. Je vous lèche le fromage de bite, monsieur Fionte. Car je vous enfionte avec précocité, quoi. Excusez-moi, monsieur le spécialiste, j'ai une question à vous poser, moi. Alors, j'ai une promo à faire. Ouais, enfin, carrément. Mon auto-promo, je vais bientôt sortir le fromage de chatte. Ah ouais, je vous ai tutoyé, excusez-moi, monseigneur Fionte, monsieur Chèvre, oui. Vous allez donc faire du fromage de chèvre maintenant, à partir de maintenant, avec votre cul. Non, du fromage de chatte. Alors, de chatte. En fait, c'est le compte. Mais c'est incroyable. Alors, non, c'est même mieux que ça, c'est pas vraiment de chatte, c'est l'appellation, on va dire, barbare. Mais c'est vraiment du fromage fait à partir de la pâte qui stagne autour du clitoris. De la spine ou une agglomération bactériologique? Et en fait, il faut le compresser et laisser macérer. Mais par contre, il faut que ce soit une base de sperme. Et ça fait du fromage de chatte. Oui. Du fromage de bite adouci. Ce sont les ferments de la chatte qui font fermenter le foutre. D'accord. Ah, c'est excellent, quoi. Alors là, je pense que justement, bon, là, on le dit comme ça, hein, c'est un coup de com' qui pourrait bien marcher, c'est avec Beyoncé, vraiment. Je pense qu'elle se sentirait concernée. Oui. Et si ça contribue à l'expansion économique d'un pays, justement, avec un savoir-faire local, ça peut être une bonne chose. Car elle également. J'ai expérimenté ça avec une amie guinéenne, et c'est très bien. Je suis en ce moment en partenariat, et ça se passe très bien. Avec la Nouvelle-Guinée, peut-être. Oui. Là, c'est la Nouvelle-Guinée, il paraît. C'est C'est... Ah oui, je suis moi-même d'origine guenonne, donc je voudrais dire bonjour. Ah, j'aurais dit guenonne. Ah, guenonne, pardon, excusez-moi. J'en perds mon latin. Et erectus, et nomenclaturus, omnibus. Guenon. N'est-ce pas une bulgnéenne, plutôt? Peut-être une bouléenne. Peut-être un rachitique boulga. Mais vous voulez pas plus me raconter sur le temps de fermentation de ce fameux fromage de bite chatte? Non, faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Non, c'est le fromage de bite, fromage de chatte, carte blanche. J'avoue, mais le fromage de chatte, il met du temps. Là, je vais vous laisser, il y a ma crotte qui m'appelle. En tout cas, on vous souhaite. Mais prenez le téléphone avec vous, faites-nous partager. Mais j'ai besoin de mes deux mains. D'accord. Mais mettez le combiné dans le WC, dans le water closet, dans le World Company. Pas à vous, les crevettes de cul, ça peut voler des téléphones comme ça. Mais monsieur Fionte, calmez-vous, ne vous énervez pas, voyons. Soyez raisonnable. Mais non, je ah bon. Vous avez toutes mes recettes. Ah, c'est vous votre. Vous voulez quoi? Vous voulez mon corps? Pourquoi pas? Pourquoi pas votre corps aussi? Après tout, on a bien payé pour cet appel, tout à l'heure, hein? Alors vous allez vous calmer maintenant, monsieur Fionte, ok? Il me restera quoi après, moi? Mais j'en ai rien à foutre, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une émission intéressante pour un public qui est intéressé. Mais moi, je m'intéresse pas à vous, j'en ai rien à foutre de votre gueule. Mais vous avez qu'à vous suicider, alors, allez-y, avec votre Fionte. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Vous la méritez, la mort. Bah oui, c'est vrai, je la mérite. Ah, vous avez raison, vous avez enfin vu la lumière. Baisse-toi. Allez. Oui, la lumière, oui. Baisse-toi. Oui. Mettez-vous à genoux et prions ensemble le Seigneur du sang, des pertes noires et de l'obscurantisme. Laisse sortir la crotte glisser le long de tes jambes. Oh, vas-y, Seigneur, baisse-toi. Oui. Seigneur de l'obscurantisme. Dominus, répète après moi, Dominus. Dominus. Dominus. Dominus. Dominus. Satani. Satani. Dominus. Dominus. Satani. Dominus. Dominus. Dominus. Dominus. Dominus. Ah, ça y est, on a perdu monsieur Fionte. Ah, c'est le troisième qu'on perd ce soir. Ah, c'est super, on a une bonne moyenne là ce soir, on est bien parti. Hein. Oh, bien. Allez, là. À quand le quatrième? Donc, nous auditeur, avons auditrice. Un nouveau Seigneur Shit. 05 61 53 36 95, vous êtes les malvenus. Vous pouvez vous suicider avant d'appeler si vous souhaitez vraiment. Vous y arriverez sûrement avec un peu de concentration. De concentration. Vous arriverez à tout. Car la volonté mène à tout. Qui veut, peut. Mais ce qui est chiant, c'est que si on tue tous les artisans, il ne restera plus quoi en fait. Non, mais. Le problème de l'artisanat, c'est que c'est la première entreprise de France. Ah, c'est ça son problème quoi, les capitalistes à mort, je veux dire, elle est outrée dans sa fange. Les artisans sont des écureuils dans leur petite roue. Ah, des spermophiles? Voilà, des spermophiles qui cavalent dans leur roue d'écureuil. Ils n'ont pas compris qu'ils alimentaient le système... De la népiophilie à grande outrance, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, autrement dit, torchez le cul de vos enfants après les avoir léchés du cul. Torchez vos culs, torchez vos enfants, torchez les culs de vos enfants après les avoir léchés du cul. Oh oui, oui, oui, très belle conclusion. Hein. C'est pas fini encore. Hein. Ah. Enfin, si tu veux, quoi. Je veux dire, mec... C'est explicite, faut dire quoi. Ouais, c'était un peu. Et soyez tous des auto-entremetteurs. Regarde ce que j'ai retrouvé. C'est humble, en fait. C'est ça, auto-humble-metteur, même. Entre. Tu vois ce que je veux dire, mec? Ouais, c'est cool. Putain, c'est cool que monsieur Fionn soit barré, il était relou ce mec. Hein. Franchement, il était trop con quoi. Et je l'encule, hein, à sec, franchement. Avec du gravier, d'abord. Il le mérite. Tant mieux qu'il soit mort, tant mieux. J'aurais tellement voulu qu'il nous rappelle et nous fait un petit truc à la guitare et qu'on puisse chanter cette fameuse chanson qui n'est pas encore dans les bacs, une très belle composition. Si je me souviens bien, népiophile, oui. Népiophile, où es-tu mon népiophile? Agagouk, agagouk, népiophile. Si un nourrisson ou un enfant d'au moins de 4 ans, une nourrissonne, avec une voix assez pertinente, ou un parent assez ouvert pour nous appeler et donner la voix de son enfant pour l'émission, oui. Pourrait toujours nous appeler sur ce fameux 05 61 53 36 95. Et participer à l'errance totale. Oui. La totale errance du total aimant, totalitaire, avis subjectif, donc arbitraire, de la démence totale et omnubilante, de l'incantatoire inépensipation. Oui. Oui, allô. Oui, bonjour. À la radio Canal Sud. C'est bien ça. Oui, alors ce que vous disiez depuis tout à l'heure, ça m'horrifie, hein. Je suis père d'enfant, moi. Et oui. Je vous entends parler de nourrissons, là, d'enfants de moins de 4 ans, mais c'est horrible, hein, c'est c'est intolérable, hein. Mais monsieur, calmez-vous. Voyons, je vous sens un peu sur les nerfs. Prenez un Xanax. Je ne sais pas, calmez-vous. Buvez un coup, buvez de la bière. Ne fumez pas de cannabis, c'est interdit. Mais au moins, buvez de la bière ou de l'alcool fort, peut-être. Monsieur ? Monsieur, vous êtes là ? Oui. Ah, vous êtes encore avec nous. J'avais peur que vous soyez suicidé déjà. Non, mais écoutez-moi. Je vais appeler la police, elle arrive. D'accord, eh bien appelez-la et soyez-en sûr que nous la réceptionnerions avec un verre de champagne, car c'est la fête ce soir de tous les nippiophiles de terre. C'est la fête des nippiophiles, monsieur. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Et donc, pour vous aider à fêter cette fameuse fête, il faudrait que je vous passe mon bébé, c'est ça ? C'est ça. Oui, avec plaisir. Et les forces de l'ordre s'occuperont de le mettre dans le droit de chemin. Comment s'appelle votre bébé, monsieur ? Arthur. Oui. D'accord, avec plaisir, nous le réceptionnerons avec un grand déplaisir inémancipé. Et on verra bien s'il saura ôter l'épée qu'on lui introduira. Et c'est pas partagé. Arthur, tu veux parler avec les vilains monsieur ? Salut Arthur. Arthur ? Ah, quelle belle voix. Alors Arthur, ne sois pas effrayé, tu vas nous rejoindre. Et sans doute, il y aura des gens en uniforme. Ah, quelle mignonnerie. Oh, quelle beauté, quelle fatalité, quoi, je veux dire. Et alors, ils auront des petits jeux à te faire avec leur tonfa. Et avec leur tomba aussi. Leur gros tomba. Dis-nous, Arthur, est-ce que nous pouvons te lécher le cucu ? Oui ? Oui, nous le pouvons. Ah, mais c'est magnifique, Arthur. Quelle décence tu es. De quelle inanimosité, je voudrais dire. Oh, tu es si beau, Arthur. Jeune, frétillant, dans la poêle. Avec du sel et bien alors, cuit. Vous avez trouvé comment, Arthur ? Très jeune, assez déblatérant et toujours babillonnant, quoi, je veux dire. Frais. D'accord. Frais, très frais. Et je pourrais être payé pour... Ah mais pas besoin. Nous le ferions avec plaisir sans vous payer, quoi. Comprenez bien, monsieur. C'est une passion pour nous. C'est une passion, c'est comme le numismatie ou la collection de casseroles, par exemple, de sets de casseroles ou de manger des boîtes pour chats. C'est une passion pour nous. L'alcoolisme, je veux dire. Comprenez, monsieur ? En fait, ce que je veux vous dire, c'est que... Je vais vous offrir une bouteille de champagne. Rappelez le 0561 avec votre petite fille. Les gens ne comprennent pas le bénévolat. Hein. Non, vous êtes parti, monsieur, mais où est votre petit chérubin ? Bon, c'était qui ce mec là ? Hein ? C'était qui ce mec là ? C'est un pote à vous là ? Parce que le gamin il était cool, hein. Mais le père il était un peu, tu sais, un peu profiteur, je trouve. Toujours à vouloir tirer des sous, Là. Alors qu'une bouteille de champagne dans le cul, ça suffit largement, je veux dire, pour le plaisir ou le déplaisir d'ailleurs. Non, mais il comprendra. Sûrement. De toute façon, quand ça va créer du lien, tout ça. Oui, ou en défaire. Il verra bien que. Qu'un jour peut-être. Son jour viendra. Ah, c'est beau tout ça. C'est beau la vie, y'a pas à chier. Ouais, voilà, c'est des alternatives, hein. Faut compter avec ça. Bon, on va passer sur une page de publicité. Voilà, donc c'était donc la pub pour Pampers, pour jeunes adultes, je veux dire de 2 à 4 ans. Maintenant, vous avez écouté la et pub. Et pan, je perce. La pub Tampox, pour tous les mâles qui ont des hémorroïdes, Tampox est là pour vous soulager de vos douleurs aigries. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là, Tampox est là pour vous. Achetez des Tampox pour vous les foutre dans le cul. Achetez des Tampox parce que vous saignez du cul. Achetez des Tampox, des Tampox, des Tampox, des Tampox, c'est cool. C'est cool comme les Simpsons. Tampox. Les meilleurs Tampox pour vous dans votre cul. Ça absorbe toute la chaleur et toute l'humidité et tout le sang qui coule. Super. Merci Tampox. Voilà, donc c'est la pub Tampox. Maintenant, on va écouter, une pub sur les voitures. Alors, j'ai une voiture, elle marche trop bien. Elle marche trop bien, ma voiture, et j'aimerais la vendre pour pas cher, mais j'y arrive pas. Alors, je me suis adressé au keuf, et pour 35 euros, ils me l'ont broyé. La voiture de 4000 euros que j'avais achetée neuve. C'est cool, merci les keufs. Voilà, donc merci les keufs. On va passer à une pub un peu plus disparate maintenant, une pub sur Virgin Megastore qui est mort à Paris. Merde, Virgin c'est mort. Voilà, c'était fini. Avant d'être commencé d'ailleurs. Et maintenant on va passer sur un documentaire animalier. Donc on entend des rats. Des rats qui suintent. Est mort ce soir. Vive le rat. Donc dans la dernière course de rat, je vous rappelle les résultats. Cahuzac en première position, Tapie en deuxième et Beyoncé en troisième. Vive le cul de Beyoncé, son gros cul, son gros cul. Bonjour. Vive le cul de Beyoncé, son gros cul. Cul prometteur. Bonjour, je vous appelle tout droit de Mars. Je suis dans un trou spatio-temporel. Une défaillance de la matière, une densité très incontinente et qui m'absorbe dans un trou noir. Je voudrais vous laisser ce message, vous terriens, je l'espère, du moins, compréhensif envers ma fange. Je vous ai laissé ce cadeau, plus de 100 ans d'ignorance et d'incompréhension, trouvé dans une concentration bactériologique et surtout mes aisselles. Mes aisselles, je voulais dire. Vous qui aimez les nourrissons et qui adorez le bon fromage, soi-disant, je voudrais vous inculquer une nouvelle science éternelle et surtout universelle. Moi, voyageur, galaxie et galaxie, faudrait vous dire que vous êtes quand même des champions de la connerie. Merde. Oui, voyageur galactique, nous entends-tu ? Oui, je vous entends. C'est étrange, mais je vous entends. Je suis déjà mort, mais j'arrive à dialoguer avec vous. Ceci est la magie de la physique quantique. C'est extraordinaire, vous ne croyez pas ? Oh oui, mais il y a un tout petit décalage, car nous ne sommes pas des humains. Nous ne sommes que des voyageurs galactiques comme vous, qui sommes déjà morts, et pourtant nous arrivons à dialoguer avec vous aussi. Comment se peut-ce ? Je pense que cela est un problème de calcul mathématique. Une virgule mal placée ou un pauvre. Merde, on perd le contact. Spatio-temporalisation. Oh, voyageur intergalactique, nous entends-tu? Voyageur intergalactique, nous entends-tu? Où es-tu, voyageur? Si vous voulez parler avec numéro 1, cliquez sur la touche 326-87 dièse. Si vous préférez, appelez le numéro 2, appelez le numéro 708. Oh my god, we've lost him. On a perdu le voyageur galactique. Oh, Ulysse, reviens. Ulysse, reviens. Merde, on retourne en 69. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre maintenant, quoi? He's alive! He's alive! He's alive! Nous sommes en train d'écouter un voyageur intergalactique qui vient de la planète Nouméa, de l'autre côté de la galaxie. Il a lu le petit livre de Moa qui cite, nous citons, le voyageur intergalactique n'est pas là, il est partout. C'est beau. La merde, la merde, la merde. La merde. Allô? Ouais, je t'ai eu reçu, mec, je suis bourré, mais je t'écoute. Allô? Alors vas-y, dis-moi quelque chose, parce que c'est le moment. Ouais, je t'entends, mec. Allô, allô? Ouais, je t'entends, moi, tu m'entends? Je t'entends pas du tout, allô? Tu m'entends, mec? Allô, allô, allô? Je suis bourré, je communique avec les cieux, merde. Allô? Là, je dis quelque chose à moi, dire. Je suis Jean-Louis, de la famille Coste. Fuck! Vous m'entendez? Non. Non? Non. Tant pis pour moi. Ouais, c'est con. Je resterai seul alors, devant mon radiophone. Au revoir. Adieu. Adieu, comme dirais-tu. Adieu, adieu et à jamais. Au revoir, je vous laisse. Oh oui, je jouis. C'était l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens, au singulier et au pluriel, l'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Je m'encule, grâce à vous, merci. Atadura, mira que...